Il revient. Quel malheur si l'amour de sa femme ne peut non plus sur lui que le mien sur ton âme. Dieu, Sabine, le suit. Pour ébranler mon cœur et ce peu de Camille, y joignez-vous ma sœur. Et laissant à ses pleurs vaincre ce grand courage, l'amenez-vous ici chercher même avantage. Non, non, mon frère, non. Je ne viens en ce lieu que pour vous embrasser et pour vous dire adieu. Votre sang qui est trop bon, n'en craignez rien de lâche, rien dont la fermeté de ces grands cœurs se fâche. Si ce malheur illustre ébranlait l'un de vous, je le désavouerais pour frère ou pour époux. Pourrais-je toutefois vous faire une prière digne d'un tel époux et digne d'un tel frère? Je veux d'un coup si noble ôter l'impiété, à l'honneur qu'il attend rendre sa pureté, la mettre en son éclat sans mélange de crime. Enfin, je vous veux faire ennemi légitime. Du saint nœud qui vous joint, je suis le seul lien. Quand je ne serai plus, vous ne vous serez rien. Brisez votre alliance et rompez-en la chaîne. Et puisque votre honneur veut des effets de haine, achetez par ma mort le droit de vous haïr. Albe le veut, et Rome, il faut leur obéir. Qu'un de vous deux me tue et que l'autre me venge, alors votre combat n'aura plus rien d'étrange, et du moins l'un des deux sera juste agresseur, ou pour venger sa femme, ou pour venger sa sœur. Mais quoi ? Vous souilleriez une gloire si belle, si vous vous animiez par quelque autre querelle. Le zèle du pays vous défend de tels soins, vous feriez peu pour lui si vous vous étiez moins. Il lui faut, et sans haine, immoler un beau frère. Ne différez donc plus ce que vous devez faire. Commencez par sa sœur à répandre son sang. Commencez par sa femme à lui percer le flanc. Commencez par Sabine à faire de vos vies un digne sacrifice à vos chères patries. Vous êtes ennemis en ce combat fameux, vous d'Albe, vous de Rome, et moi de toutes deux. Quoi ? Me réservez-vous à voir une victoire ou pour haut appareil d'une pompeuse gloire ? Je verrai les lauriers d'un frère ou d'un mari fumer encore d'un sang que j'aurais tant chéri. Pourrais-je entre vous deux régler alors mon âme, satisfaire au devoir et de sœur et de femme, embrasser le vainqueur en pleurant le vaincu ? Non, non. Avant ce coup, Sabine aura vécu. Ma mort le préviendra de qui que je l'obtienne. Le refus de vos mains y condamne la mienne. Sudon, qui vous retient? Allez, cœurs inhumains, j'aurai trop de moyens pour y forcer vos mains. Vous ne les aurez point au combat occupé, que ce corps au milieu n'arrête vos épées. Et malgré vos refus, il faudra que leur coup se fasse jour ici, pour aller jusqu'à vous. Oh, ma femme. Oh, ma sœur. Courage, ils s'amollissent. Vous poussez des soupirs, vos visages pâlissent. Quelle peur vous saisit ? Sont-ce là ces grands cœurs, ces héros qu'Albe et Rome ont pris pour défenseurs ? Que t'ai-je fait, Sabine ? Et quelle est mon offense qui t'oblige à chercher une telle vengeance ? Que t'as fait, mon honneur ? Et par quel droit viens-tu, avec toute ta force, attaquer ma vertu ? Moins contente-toi de l'avoir étonné, et me laisse achever cette grande journée. Tu me viens de réduire en un étrange point. Aime assez ton mari pour n'en triompher point. Va-t'en et ne rends plus la victoire douteuse. La dispute déjà m'en est assez honteuse. Souffre qu'avec honneur je termine mes jours. Va, cesse de me craindre. On vient à ton secours. Qu'est-ce ci, mes enfants ? Écoutez-vous vos flammes et perdez-vous encore le temps avec des femmes. Prêts à verser du sang, regardez-vous les pleurs, fuyez et laissez-les déplorer leur malheur. Leurs plaintes ont pour vous trop d'art et de tendresse. Elles vous feraient part enfin de leur faiblesse et ce n'est qu'en fuyant qu'on part de tels coups. N'appréhendez rien d'eux. Ils sont dignes de vous. Malgré tous nos efforts, vous en devez attendre ce que vous souhaitez, et d'un fils et d'un gendre. Et si notre faiblesse ébranlait leur honneur, nous vous laissons ici pour leur rendre du cœur. Allons, ma sœur, allons, ne perdons plus de larmes. Contre tant de vertus, ce sont de faibles armes. Ce n'est qu'au désespoir qu'il nous faut recourir. Tigre, allez combattre, et nous... allons mourir! Mon père, retenez des femmes qui s'emportent, et de grâce empêchez surtout qu'elles ne sortent.